19h33, 15 secondes. Mon nom est Charles Villeneuve. Ma mission, interviewer Daniel Kemp, un individu qui a la réponse facile. Mon but, lui faire dire toute la vérité, rien que la vérité. Nous allons accueillir Daniel Kemp, celui qu'on certains surnomment le Superman de l'évolution. Alors ce soir, de quoi tu nous parles? D'une nouvelle vision de la vie, de sa vie, d'une façon nouvelle de voir la vie. En réalité, c'est pas moi qui devrais en parler, mais c'est moi qui interview. Alors c'est toi qui en parles. Interview. Pourquoi on doit avoir une nouvelle vision de sa vie? Est pas correcte la vision qu'on a? Si on considère que les produits pharmaceutiques qui sont des psychotropes, c'est-à-dire qui sont conçus pour faire en sorte que les gens éliminent et évitent des dépressions nerveuses, des médicaments qui servent à faire dormir, qui servent à calmer, qui servent aussi à stimuler. Si on considère la quantité d'émissions de télévision et de cinéma qui existent pour distraire l'humain, si on considère les drogues qui se promènent un peu partout sur la planète, si on considère aussi le besoin effroyable que l'humain a de religion, de théologie, d'explication, probablement que sa vision de la vie n'est peut-être pas la plus belle. La semaine dernière, on a parlé un peu de ce que c'était qu'une vision de la vie. Enfin, on a parlé d'une vision qui était rationnelle. T'es noir, la vision de la semaine dernière. Ouais, ben t'es noir. C'était la vie, quoi. Qu'on regardait sous un point de vue. Mais effectivement, il y a une possibilité de rester... On peut être totalement dans le passé, c'est-à-dire on peut être négatif, donc on peut ne voir la vie qu'en fonction d'une nostalgisation. On peut être positif et on peut être réaliste. Mais la majorité des égos, donc les psychologies humaines, ne sont pas capables de supporter la réalité parce que dans la réalité, nécessairement, on voit exclu plusieurs explications. C'est-à-dire qu'un être humain est capable de supporter la réalité de sa vie est capable de supporter de l'ignorance dans sa vie. Celui et celle qui ne peut supporter de l'ignorance dans sa vie, pourquoi ça arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela, nécessairement, lui, il tentera d'expliquer, et tentant d'expliquer, il quitte la réalité. Quittant la réalité, il entreprend un processus de mensonge, bien souvent, et ce processus peut être bénéfique, c'est-à-dire qu'il nous permettra agréablement de vivre sur des illusions, illusions qui, si on vit agréablement dessus, seront facilement rejetés lorsqu'à un moment donné, on aura une conscience qui nous permettra de voir la réalité cachée sous l'illusion. Mais trop souvent, on a une vision de la vie qui nous amène à avoir une vision illusoire qui, elle, par contre, est dégueulasse, c'est-à-dire qu'elle est négative. Bon, alors on aura peur, on s'inquiétera, on parle de résurrection, tout le monde a peur de mourir, on parle de réincarnation, tout le monde pense qu'après 50, 60 ans de sa vie, son évolution finit s'il n'a pas gagné ce qu'il voulait, donc on ne prévoit pas la vie sur 500 ans ou plus. On a continuellement des problématiques humaines, alors nécessairement, l'humain, dans sa psychologie, doit structurer une vision neuve de la vie, c'est-à-dire qu'on peut voir la vie mentalement, c'est une chose, on n'en souffrira pas. Émotivement, donc psychologiquement, c'est-à-dire que ce qui constitue notre trame mémorielle, ce que nous avons été selon nous, ça va souffrir de notre vision réelle de la vie. Alors, j'ai toujours aimé les plantes, puis subitement, ma conscience découvre qu'une plante, c'est une plante. C'est esthétique, ça peut te mener de l'énergie, ça peut te nourrir d'une façon endoformique. Donc, on dira, ben, je l'aime, elle me plaît. Quand elle fane, elle ne me plaît plus. Mais on aura découvert que ce n'était pas de l'amour. On ne tue pas une plante que l'on aime pour la mettre dans un bocal sur sa table. Donc, ce n'était pas de l'amour, mais c'était un besoin de quelque chose. On se nourrissait de la vision. Lorsque l'on découvre cette mécanique, on sera maintenant capable d'arranger notre maison, notre bureau, notre voiture, de façon à nous alimenter énergétiquement. Mais on devra en même temps faire une concession. Une grande partie de ce que je pensais être de l'amour n'en est pas. Mais quand tu commences à voir la vie sur un plan mental, à partir d'une vision mentale, comme ouais, tu fais. Tu fais comme quand j'étais jeune, tu bâtis un bateau puis tu sacs ton casque d'île. Tu t'en vas vivre ailleurs? Oui, quand j'étais jeune, moi j'avais 12 ans et puis j'ai eu le goût d'aller sur une île déserte, d'aller rebâtir le monde, d'aller placer ma vision. Michel, t'as pas de musique d'ambiance peut-être pour Daniel? Je veux pas le rapport. Tu m'as raconté son histoire, son épopée d'envol. Non, je raconterai pas mon épopée d'envol. Ah bon? Vous êtes arrangé. Et une grosse orage à un moment donné, alors je n'ai pas pu partir. Ouais, c'est beau. Hein? Qu'est-ce que tu voulais aller faire sur une île déserte? Bon. J'avais une vision du monde à l'âge de 12 ans, je voulais l'instaurer, l'installer. C'est-à-dire que j'avais le choix entre un cornet à crème glacée à la vanille et un autre au chocolat. La société, c'est la vanille. Mon rêve, ma vision du monde, c'est le chocolat. Je ne déteste pas la vanille, je préfère le chocolat, donc vu que j'avais le choix, je prenais le choix. Mais j'ai découvert par la suite qu'on n'avait pas trop de libre-arbitre et on a choisi que je resterais au Québec quelques années encore. Bon, tu dis que l'île là-bas, c'est une forme de transition. Mais effectivement, lorsque l'humain a une nouvelle vision du monde, il tend immédiatement, c'est un problème, à l'appliquer. Une vision du monde, c'est quelque chose qui doit servir notre structure psychologique, mais qui ne doit pas nous inciter à vouloir changer le monde. Parce que si on veut changer le monde, on va se heurter au monde. Et là, on aura une vision du monde qui ne servira qu'à nous faire souffrir. Moi, j'ai failli partir. On a construit, moi et mon groupe, un bateau. Le plus gros bateau fait par des amateurs en bois au Québec. On a même eu la possibilité d'être navire canadien, donc le bateau lui-même était territoire canadien. Donc j'étais ambassadeur en tant que capitaine tant qu'on n'avait pas accosté à un port dans les autres pays, ce qui nous amenait certaines formes de sécurité. On avait un territoire au Guatemala pour préparer les gens à s'adapter au climat tropical et en même temps éliminer ceux qui ne pouvaient pas partir. D'ailleurs, on appelait ça une sélection naturelle et ça fonctionne. On éliminait tout le monde. Bon. C'est efficace. Bon, ben finalement, il restait moi et quelques personnages. Et pour découvrir que finalement, on peut aussi avoir une île entourée de terre. C'est pas nécessaire qu'elle soit entourée d'eau. Une vision du monde, ça ne doit pas servir à nous nuire. Moi, je n'ai pas souffert quand à un moment donné, on n'est pas parti, mais il y a plusieurs personnes qui pensaient que ça ne valait plus la peine de rêver, ça ne valait plus la peine d'avoir une nouvelle vision. Quand on a une vision négative, on ne voit qu'une partie des choses. Quand on a une vision qui est belle, on ne voit aussi qu'une partie des choses. Mais tant qu'à voir une partie des choses, autant avoir une partie qui est amusante. Bon, on met une musique, on peut s'amuser, c'est intéressant, c'est plaisant. On peut évoluer en souffrant, on peut évoluer sérieusement, on peut évoluer en s'amusant, en souriant. Ce sera la même évolution, en Cadillac ou en Lada. Bon. Quand on parle de vision du monde, moi j'avais cette vision-là. Tu en as eu des visions jeunes à un moment donné, j'imagine que tu as voulu faire des folies aussi, aller sur la Lune, je ne sais pas quoi. C'est évident que tu dois avoir des visions quelque part. Oui, j'ai eu des visions, mais moi c'était pas du même style. Moi j'ai voulu faire un retour aux sources. Pas un RM, oui, là. Avoir un RM. Non. Non, j'ai voulu faire un retour aux sources. Et les sources, c'était sa vision du monde. J'aimerais savoir quelle c'est. Ben, moi, je voulais aller vivre sur une ferme. Il y a tout vent. Une ferme. Pas de musique de ferme. Non, je sais pas des coups. C'est sûrement pas de musique de ferme. Tout vendre. Tout vendre. Aller vivre sur une ferme. Pour acheter quoi? Faire pousser des carottes, élever des vaches, et puis des chevaux. Alors, retourner à la source et puis regarder pousser mes carottes. Les vendre à quelqu'un quand il m'a vie avec ça. Puis pouvoir m'en nourrir. Toi avec des vaches? Ouais. Pas passer de cowboy, j'espère. Non. Mais je n'ai pas un cowboy à moustache avec une cravate rouge. Non, je voulais simplement être un gentleman farmer. Mais c'était ma nouvelle façon de voir la vie. Ma façon de décrocher de la tour de la bourse pour m'en aller sur une terre. Il faut le faire à partir de la tour de la bourse pour descendre sur une terre. Oui, effectivement. Ça ne doit pas être... Oui, effectivement, c'est une terrestrification, c'est un retour sur Terre. Total. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui, à un moment donné, ont eu cette vision. Ils ont voulu aller sur des fermes, ils ont voulu faire des retours. Bon. Mais ceux que j'ai connus, moi, ont toujours eu des problèmes. Parce que, premièrement, ils fendaient du bois l'hiver pour se chauffer, alors donc ils souffraient. Moi, j'ai toujours vu le retour aux sources dans la campagne, pendant que les robots font le ménage. Moi, je me promène avec les enfants. Mais les gens voient toujours... toi, tu voyais ça, j'imagine, avec un motoculteur plus ou moins mécanique, n'est-ce pas, avec des chevaux, des vaches. Oui, ta femme apprenait ça comment, ta femme? Ben, ça, c'était une autre histoire. J'imagine, oui. C'est difficile de la convaincre. Elle la voyait pas ça. On tournait aux sources. Elle, sa source, c'était plus près du confort matériel. Parce que une vision du monde... C'est ça difficile à partager. On ne peut pas appliquer une vision du monde. Une vision du monde, ça sert à philosophiser, ça sert à expliquer des choses, ça sert à nous restructurer quand on en a besoin. Ça ne sert pas à appliquer des choses. Alors, si on a une vision du monde pour, par exemple, se faire un paradis, on doit l'avoir. On doit l'avoir dans notre structure astrale. C'est de l'illusion? Oui, c'est de l'illusion. Mais il faut que vous sachiez, il faut qu'on se rappelle qu'on est possédé par un ego, c'est-à-dire qu'on cohabite avec un virus qui habite l'âme, un ego. L'ego, il a besoin de carottes. On appelle ça carottiser son chemin. On met des carottes en avant pour que l'ego avance en direction où mentalement on veut aller. C'est bien. Mais on ne peut vraiment pas prétendre que notre vision du monde, on devra l'appliquer. Une vision du monde, si un jour elle est appliquée, c'est parce que le monde l'applique. C'est-à-dire qu'elle s'applique elle-même. Ça devient un accomplissement. Mais quand tu l'appliques ou quand elle est appliquée, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu en as une nouvelle? Tu peux en avoir une nouvelle, tu peux ne pas en avoir une nouvelle, ça dépendra simplement des besoins de ton ego. Est-ce que c'est juste une étape pour nous faire avancer jusqu'à un certain point, puis on dit là, tu vois une autre vision, puis ça s'en va vers un autre point, puis finalement, on n'est jamais satisfait de ça? Ton gentleman farmer, à un moment donné, ton fermier, peut-être qu'à un moment donné, il rêve d'être dans une tour à la bourse. Puis celui qui est dans la tour à la bourse, il rêve d'être sur la ferme. Bon, on est toujours à peu près pas là où on devrait être en fonction de ce qu'on aimerait. Mais notre psychologie, elle change comme ça. Physiquement, on ne peut pas changer d'emplacement à cette vitesse-là. Il y aurait des problèmes. Bon, alors, on a des visions du monde, on a des rêves. Pendant quand vous étiez jeune, vous en aviez un crime de paquet. C'est aussi. Et à un moment donné, bien, on les perd. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas nécessairement applicables. L'homme vit dans des mondes parallèles. Donc, il y a énormément de points, de choses qui nous servent, qui nous alimentent, qui nous supportent, qui nous nourrissent. Mais dans d'autres phénomènes de pensée, pas uniquement dans la matière. Mais est-ce que nos rêves de jeunesse, comme ça, nos idoles ou les choses dans ton rêve, est-ce que ça nous amène à quelque chose? C'est évident. Ça nous permet d'être toujours un peu ce qu'on a en vision du monde sans nécessairement l'exprimer là. Tu rêvais à quoi, toi, quand tu étais jeune? Ah, plusieurs choses. Michel, à quoi tu penses qu'il rêvait quand il était jeune? Michel. To the Batmobile. Let's go! Atomic batteries to power. Turbines to speed. On va avoir l'opinion de la salle. Pourquoi je rêvais quand j'étais jeune? Ouais, on révèle des secrets. C'est une chasseur de voir ça. Ça t'a pas amené à Batman? Non, jamais été un homme. Non, mais on peut rêver à des choses qui sont inatteignables. Combien d'adultes ici ont perdu leur enfance? Ben, la totalité. Ben, parfait, presque. Si on est un adulte, on n'est pas un enfant. Non. Par définition. On peut être, ouais, par définition. Je vais juste faire le dictionnaire, le Larousse, puis les autres, là, c'est pas. C'est petit Larousse, puis petit Robert. Bon. Lorsque, petit Charles, lorsque l'être humain, lorsque vous étiez jeune, vous aviez des rêves. On rêve d'être un adulte. On rêve d'avoir une vision du monde qui va être extraordinaire. On rêve de devenir quelque chose de phénoménal. On a des idoles ou on n'en a pas. Mais on crée des choses. Et plus ça va, encore une fois, plus ça se ternit, parce qu'on meurt, on devient un adulte. Mais on ne devient pas l'adulte qu'on rêvait lorsqu'on était jeune, on avait une vision utopique de l'adulte. Puis quand on devient l'adulte, on se rend compte que finalement, si tu veux rester un adulte, élimine l'enfant, élimine l'enfance, élimine les visions utopiques, sois sérieux, mais pas d'une sériosité qui t'amuse. Tu dois perdre les visions du monde de l'enfance pour accepter une vision préétablie, une vision collective, une vision normale de ce que c'est que le monde d'adulte. Alors que c'est faux! J'ai voyagé sur la planète, j'ai pas attendu, bon, j'ai même rencontré un personnage qui me disait que lui avait plein d'argent puis qu'il avait toujours rêvé de faire ce que je faisais. Mais j'ai dit, crime, fais-le! Puis arrêtez de penser, puis après ça, il m'a sorti vers moi puis il me dit, c'est vrai, je pourrais le faire. Mais c'est ça, un adulte, c'est dangereux. On a une société particulière, on se plaint régulièrement, uniquement parce qu'on vit dans les visions du monde des adultes qui ne sont que des visions de problèmes, de sérieux, de responsabilité. On ne se permet pas de s'amuser. Tu arrives en retard au travail? C'est comique. Attends de voir la face des autres. Mais, ah non, c'est pas comique. Attends de voir la tienne. Bon, c'est tout continuellement comme ça. Je fais des conférences dans les écoles, je fais des conférences avec les devant les professeurs et souvent je répète la même chose. Quand un enfant, par exemple, arrive en retard et puis il vous conte une farce comme bon, j'ai échappé, il y a un grand cave du secondaire 5 qui m'a donné un coup de coude dans le visage, mes verres sont tombés à terre dans la neige, je ne voyais plus. Le professeur, il s'imagine tout de suite que l'enfant compte des mensonges. Puis en plus, l'enfant, disons que c'est un enfant qui aime vivre, puis il répond, je suis presbyte, fait que de loin, j'y voyais, mais quand je m'approchais, je ne le trouvais pas, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Le professeur est frustré à l'os, alors qu'il devrait rire. C'est drôle. Ce n'est pas arrogant, c'est drôle. Drôle. Mais on rit pas, parce que l'autre, il niaise. Il ne niaise pas, il rit, il se plaît dans la vie. Vision du monde. Tu sais, c'était quoi ta vision du monde? Ah, moi, je ne m'entends pas parler. Moi, je t'ai plus parlé avec toi, mais je cherchais une... Je cherchais à marier quelqu'un ou à trouver quelque chose qui me faciliterait la vie. Mais ça, je voulais pas devenir un Batman, je voulais en trouver une. C'est ça, il voulait trouver un génie. Tu en as trouvé une? Ouais, mais elle rentre plus dans la bouteille. Elle est sortie, puis elle rentre plus. Ah ben c'est ça, les Haïtiens appellent ça, tu l'as mis grosse? Ben c'est ça. Ben c'est ça, elle rentre plus dans la bouteille. C'est ça. Un génie, ben oui. Vous savez, quand on a la farce, le gars, c'est un newfie, ou c'est une fille, ou etc., ou c'est un Québécois, un Ontarien. Il rencontre un génie sur une plage. Le génie sort, puis il dit, ça fait trois vœux. Moi, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, si un jour je rencontre un génie, le premier vœu que je vais dire, c'est, je veux avoir tous tes pouvoirs. Et c'est logique. Tes deux autres vœux, plus besoin. T'as jamais pensé à ça? Non, parce que quand je l'ai rencontré, on a parlé d'autres choses. Mais... La vision que j'avais, la vision de chercher la perfection ou de chercher la facilité, à un moment donné, je me suis réveillé que c'était pas facile. Ben, en tout cas, mon ego, l'ego a trouvé que la vie était plus difficile que la vision que j'en avais. Mais est-ce que la vie est pénible et de plus en plus pénible selon que ce qu'on vit par rapport à ce qu'on a comme vision, par rapport à la différence de potentiel qu'il y a entre les deux? C'est ça qui nous rend la vie difficile? C'est qu'on doit... faut comprendre qu'on est dans un monde d'illusions. Étant dans un monde d'illusions, et ça, la majorité des adultes ne peuvent pas comprendre ce que je dis là. Bon, mais les enfants dans les adultes peuvent. Bon, un monde d'illusions, pour l'adulte, ça veut dire, oui, non, c'est pas un monde d'illusions, on a des responsabilités, justement, il y a ceci, il y a cela. T'sais, c'est important quand mon fils ou ma fille ne rentre pas à l'heure que j'y ai dit, ça ne m'obéit pas, c'est important ceci. Il y en a tellement de choses importantes qui, de toute façon, vont toutes disparaître bien avant vous. Donc, on devrait travailler sur ce qui va persister, sur nous. Le reste, pas grave. Tu renverses un verre d'eau, pas grave, ça s'essuie, ça sèche, tu ramasses. Les pièces tassent. Eh oui, évidemment, c'est évident. Mais il n'y a pas de problème, alors qu'on n'en fait que des problèmes. On est toujours en train de vivre sur ce que l'adulte va appeler une réalité. Ouais, mais tu as quand même renversé le verre d'eau. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Qui va ramasser ça? N'importe qui. Mais on force l'enfant à devenir l'adulte, et on se force, nous, continuellement, à force d'éduquer quelqu'un, on finit par devenir ce qu'on veut donner. Changer de pied, là. Ah oui, prochaine fois, je vais renverser le bac d'eau. Bon. Alors, effectivement, la différence est potentielle. Je dis qu'on vit sur différents mondes, on est dans plusieurs mondes parallèles, alors ce qui fait qu'on doit accepter obligatoirement. Prenons l'exemple du mystique. Qu'est-ce que c'est qu'un mystique? C'est une personne qui, justement, vit dans certains mondes parallèles au détriment de certains autres, comme ceux qui sont sérieux et terre à terre vivent dans certains mondes parallèles qu'on appelle, nous, la réalité, au détriment de certains autres. Et ça nuit à notre vie. Parce que de cette façon-là, on finit toujours par oublier quelle façon nous sommes bâtis. Nous ne sommes pas qu'un corps de chair. Nous ne sommes pas qu'un corps de vie. Nous ne sommes pas qu'un corps de mémoire, un corps astral, un corps de désir et d'émotion. Nous ne sommes pas qu'un corps mental, un corps de légifération, un corps qui voit les choses logiquement. Nous ne sommes pas qu'un corps d'intelligence. Nous ne sommes pas qu'un corps de gratuité, qu'on peut appeler d'amour. Bon, on est une pluralité. Alors, l'être humain qui, à un moment donné, trouve qu'il pleut, il peut se créer des fantasmes. Les psychologues appellent cela des fantasmes. Il peut se créer des images, des mondes à lui. Chez l'enfant, c'est un monde à lui. Chez l'adulte, c'est un fantasme. Bon, on verra comme on voudra. Il y a toujours, c'est pathologique. J'ai déjà expliqué, prenez une personne de 65 ans qui se promène en faisant des petites tapettes sur le trottoir. Tout le monde va penser qu'il faut s'attendre qu'on l'interne. Mais oui, c'est sûr qu'il faut qu'on l'interne parce qu'elle n'a pas compris qu'à l'âge qu'elle a là, il faut qu'elle soit un adulte. Mais est-ce que cette personne-là vit dans sa vision ou vit... Est-ce qu'on peut vivre dans sa vision du monde, dans le même monde que tout le monde? Donc, on serait déphasé. On ne vit de toute façon pas dans le même monde que tout le monde. Bon, on ne vit de toute façon pas là-dedans. On se fait les crayons, pour parvenir à vivre dans le monde, on appelle ça se normaliser. On fait tout pour être dans le monde de tout le monde. Alors qu'il n'y a pas une personne ici qui est assise à la place de l'autre. Donc personne n'est dans son monde. On vit chacun notre monde. Mais on fait tout pour perdre notre vision, notre instantanéité, notre gratuité, notre intelligence, notre logifération, pour parvenir à être psychologiquement normal, vitalement normal et physiquement normal. C'est-à-dire que physiquement, on veut être à la mode. Vitalement, ben, on ne faut pas qu'on soit trop en santé et trop malade. La preuve, on va se faire faire des cancers de peau pour brunir un peu, de façon à paraître en santé. Alors, ça n'a rien à voir avec la santé. Bon, on se normalise. On se normalise psychologiquement. Si, par exemple, quelqu'un dit, je vais vous conter une bonne farce. C'était un gars qui était tout nu. Tout le monde normalement rit, parce que c'est une farce drôle, ça. Tu sais, le gars était tout nu, c'est drôle, parce que les gens rient quand c'est tout nu. Bon, quand on était jeune, hein, c'était la farce drôle, hein, c'était facile à compter, t'avais rien qu'à dire pas grand-chose, puis c'était fait. Tu sais, un petit gars de 3 ans qui dit à sa sœur, j'ai trouvé une capote sur le balcon. La sœur, elle répond, c'est quoi un balcon? Tu sais, bon, c'est une bonne farce. Mais, elle était pas sexuelle, mais elle était... C'est une farce d'architecture. Bon, une farce mathématique, c'est le comble du mathématicien, c'est trouver un tiers sur le corps de sa moitié. Bon, c'est la même chose. Bon. Mais lorsque on est jeune, on s'autorise à quoi? À faire des stepettes? Ah, mais là, on a de la misère en tabarouette à rajeunir un peu. On a perdu une grande partie de ce que nous sommes. Je me pose souvent la question quand je vois des personnes, je regarde, j'élimine la tête d'un individu, puis je regarde que son corps. Est-ce un adulte ou un enfant? Hein? C'est original. Et là, en regardant le corps, tu peux te dire, c'est un enfant. Puis subitement, tu trouves peut-être que le linge, il va bien, ou tu sais, il y a des choses qui vont. Là, on te montre la tête, un adulte. On redescend, on cache la tête, puis aussi beau. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vision du monde, dans notre structuration. On doit fonctionner dans la réalité, c'est évident. On est bâti avec de l'illusion aussi. On est des créatures du temps en majorité, donc de mémoire. Qui êtes-vous? Si on vous lave le cerveau, vous n'êtes plus rien, créature de mémoire. Mais si on vous lave le cerveau, vous allez être ce que vous allez être. Mais en normalisation, on va essayer de retrouver ce qu'on a été. Et là, on dira en sagesse, plus tes racines sont profondes, plus l'arbre tiendra. Eh oui, l'arbitier aussi, hein? Il se déplace pas, puis il bouge pas, il voyage pas, puis il reste là, il attend qu'on vienne le couper. Alors, on doit éliminer des choses. Quand l'animal finit par retirer ses racines du sol, il peut commencer à galoper, à courir ou à se promener. L'être humain qui a énormément de racines enfoncées est un être humain qui normalement est fixe. On doit se permettre de créer. L'enfant, lui, bâtit vers l'avant, puis il n'y a pas assez de mémoire. L'adulte bâtit souvent vers l'arrière, il y a trop de mémoire. Pas bon? Est-ce que le changement de la vision qu'on se fait du monde peut faciliter l'existence? Est-ce que juste ça, c'est suffisant? C'est une attitude qui est suffisante pour rendre l'existence? Non seulement facile? Ça rend l'existence plaisante, ça rend l'existence beaucoup plus facile. Tu n'as pas plus d'argent, non, mais tu t'amuses. Plus facile. Je ne dis pas plus facile comme un adulte. Un adulte va dire, quand j'aurai 1 million, ça serait plus facile. Ça n'a rien à voir. Je parle de vivre. Je ne parle pas d'avoir de l'argent ou d'avoir une maison. C'est esthétique d'avoir une maison, d'avoir de l'argent ou d'avoir... Bon, c'est esthétique, ça va. Mais je parle de vivre. Après, on verra pour les petites choses. Mais les riches, il y en a qui sont malheureux. Les pauvres, il y en a qui sont malheureux. Plus souvent qu'autrement, lui-même est malheureux. Alors, effectivement, ça permet de vivre plaisamment. Moi, j'en ai eu des rêves, j'en ai eu des choses. J'ai perdu énormément d'argent, j'ai perdu énormément d'amis. Bon, j'ai appris énormément parce que quand on transforme un karma en leçon, le karma disparaît, ça devient de l'apprentissage. Tu ramasses de l'énergie. Je me suis toujours amusé. Et plus souvent, on m'a dit, les psychologues me disaient, ça soigne ce que j'ai. Bon, parce que je me dis, oui. Les gens, souvent, l'animal humain ne peut pas comprendre qu'un être humain s'amuse, alors que normalement, il devrait broyer ou... Est-ce que plus on se conscientise, plus c'est difficile? Non. Plus on se conscientise, pas plus c'est difficile. Plus on se conscientise, plus on peut se faire récupérer par notre ego. Et l'ego, lui, nous récupérant, va nécessairement s'arranger pour tout mettre pour que ça devienne extrêmement laid. On appelle cela de la mentalisation. Et la mentalisation, c'est dangereux. Pourquoi vivre? On mourrait, de toute façon. Bon, ben, tu te suicides. Ben, simple. Après ça, ouais, mais pourquoi me suicider? Bon, c'est ouf. La mentalisation court-circuite la vie de l'humain. Quand l'humain se conscientise, il part de la vision psychologique à la vision spirituelle, la vision spirituelle qui reste dans l'astral à la vision haute spirituelle qui reste dans l'astral, et à un moment donné, il arrive à la vision mentale. Là, il commence à mentaliser. La mentalisation va faire en sorte que peut-être il va sortir des religions organisées. Il n'abandonnera pas tout ce qu'il sent, mais il sortira de l'organisation théologique, par exemple. Il va sortir, abandonner certaines choses. Peut-être qu'il va abandonner le positivisme et il ne deviendra pas nécessairement négativiste. Mais peut-être. Il va abandonner des choses. Et à un moment donné, la mentalisation va commencer à tout coup-circuiter. Il découvre qu'il n'y a pas de libre arbitre comme il voudrait. Et finalement, qu'il éduque ses enfants ou qu'il éduque pas, ça ne change rien. Il a raison et il a tort. Et la mentalisation commence à être un problème. La personne doit continuellement s'autoriser à s'amuser. Quand vous avez, à un moment donné, abandonné les structures spirituelles, les premières structures spirituelles que l'humain abandonne dans sa conscientisation sont les structures spirituelles qu'il appelle Dieu. Mais la mécanique astrale, Dieu, elle existe. C'est un égrégore, ça a besoin de nourriture, ça s'alimente, mais ça existe. Mais abandonnant cela, il reste une autre structure qu'on n'a pas abandonnée puis qu'on veut ignorer, qu'on appelle le diable, c'est-à-dire l'anti-homme. L'anti-homme, c'est les parties mémorielles qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'avoir du plaisir. Ce sont les parties mémorielles de l'adulte. Alors que ce qui accepte le neuf, la partie amique, homme, femme, c'est la partie infantile, celle qui regarde vers le neuf. Et l'anti-homme, c'est toujours, je ne suis pas pour lâcher ma job, je ne suis pas pour me séparer, même sur sa gueule, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour ça, bon, lui, ça marche mal. Et à un moment donné, celui qui se conscientise voit son ego négatif, donc puissamment mentaliseur, prendre de la puissance et commencer à venir ternir, noircir sa vision du monde. Plus j'évolue, plus ça va mal. Bon. On doit créer quelque chose d'autre. On peut paradisier des mécaniques. On doit créer, donc avoir une vision du monde. Je répète, la vision ne doit pas être appliquée. On doit avoir une vision du monde. C'est une carotte d'ego. C'est une carotte d'ego, mais en même temps, c'est toute l'énergie qu'on peut perdre en niaisage. On la structure dans un monde qu'on appelle le monde de la mort, qu'on appelle le ciel. On place cette énergie-là dans le ciel. Puis à un moment donné, lorsqu'on en aura besoin, ça sera en riant qu'elle va descendre chez nous. Alors que si on la place toujours dans des mondes de mortification, bien effectivement, par la souffrance, on la récupérera. De ce fait, les martyrs finissent par évoluer. Mais il faut passer à quelque chose d'autre. Il faut que ceux qui s'amusent finissent par évoluer. Mais vous savez que la capacité de rire appartient uniquement à l'être évolué. Tu veux dire que les hommes préhistoriques ne riaient pas? Bon, c'était difficile dans le temps des hommes préhistoriques. De rire? Bon, de rire, de l'évolution, la vie était compliquée. Avez-vous déjà entendu un homme préhistorique rire? Ça dépend simplement des points de vue. J'ai déjà vu rire, moi, à la télévision. Ouais, c'est ça, oui. C'est-tu plus pénible aujourd'hui que ça l'était dans le temps où l'homme n'était pas conscient? Ce n'est pas plus pénible, savez-vous pourquoi? Parce que notre conscience aujourd'hui, placée à l'époque préhistorique, ferait qu'on ne vivrait pas. Mais la matière nous aide tellement que notre conscience finit par nous garder aussi malheureux que dans l'Antiquité. Parce qu'on a la matière, sinon on serait drôlement plus malheureux. Mais on doit changer chez soi ce qui fait qu'on est toujours en train de chialer. Ce qui fait qu'on est déprimé, ce qui fait qu'on s'ennuie, ce qui fait qu'on est malheureux. Qu'est-ce que c'est l'ennui? On ne mérite pas de s'ennuyer. L'humain va être immortel puis s'ennuie le soir chez lui. On ne mérite pas, on ne devrait pas s'ennuyer. On ne devrait pas être dépressif. C'est de l'énergie qui est drainée vers le bas. On nous récupère vers l'arrière. Mais on ne choisit pas d'être dépressif. On ne choisit pas d'être dépressif, mais vu qu'on est manipulé à assister à une conférence comme celle-ci, ben on n'a rien qu'à s'arranger pour manipuler le manipulateur, c'est-à-dire qu'on implante dans notre ego, par notre conscience. La conscience, elle est libre. Elle ne contrôle pas la matière, elle n'a pas de libre arbitre, mais elle est libre. Elle est capable de programmer. Programmez-vous à rire. Bon, à un moment donné, je vais avec, à l'époque d'urgence santé, on rentre dans une maison, je travaille avec une femme, et puis la personne qui nous reçoit a pas rabroyé, c'était une femme, puis elle dit, « Pour une petite madame! » Non, mieux que ça, elle dit, quand je suis rentré, « Un petit monsieur! Oh non! » Là, oui, ma collègue est arrivée, tout aussi grande que moi, « Oh, pas une femme en plus, mais tout petite! » Le monsieur pesait pesant. Mais on a des techniques pour travailler, alors nous, on lui dit, « Ben, c'est pas grave, madame, on fait deux voyages, il est trop pesant. » Bon. Normalement, l'humain serait, tu sais, ben là, c'est compliqué la vie, trouvez-vous pas? Je pense qu'elle est assez compliquée sans la compliquer davantage. On rit. Ou encore, on disait, on échappe deux par jour, puis on les a déjà échappés. Le patient était d'accord avec ça, lui, de voyage? Ben, il riait. Ah. Bon, à force de rire, à un moment donné, le patient, il finit par oublier, il devient léger. Parce qu'il se passe une chose certaine, c'est qu'on le descend. De toute façon, tant que c'est question de descendre, c'est pas trop pire. Il a oublié qu'il était pesant. C'est quand on va le monter. Mais on peut, il n'y a pas une seule situation de la vie qui n'est pas comique. On fait des téléromans, on fait des films, on fait des parodies avec ce que nous, on trouve difficile. Dans 10 ans, vous allez parler de vos déboires, puis souvent on dit « Hey, on en rit aujourd'hui, mais dans le temps, c'était pas drôle. » Pourquoi c'était pas drôle? Qui vous interdisait de rire? C'est la même chose, c'était aussi drôle. C'était cocasse. C'était con, complètement drôle. Bon, on doit s'arranger pour... Je ne dis pas qu'à un moment donné, vous allez sortir, vous allez glisser, paf! J'ai vu un bonhomme, à un moment donné, qui s'en venait à une de mes conférences, justement, c'était l'hiver. Il glisse, bang! Il dit, hop, cascade! Ben oui, ben c'est ça. Mais c'est son ego. Bon, il était nerveux, il y a du monde qui l'avait vu, fait que là, et hop, cascade! Ben, c'est mieux un ego qui, quand il est mal pris, pris, que plutôt qu'un ego que quand il est mal pris, chiale! Ah ben, elle peut mettre du sel là-dessus, c'est écœurant, comment qu'elle retienne ça? Tu sais, il veut que je sois complice, mais dans sa déboire. Plutôt que là, il était programmé à vouloir que je sois complice pour se protéger, mais dans le rire. Eh bien oui! C'est évident! Est-ce que ces gens-là vivent plus facilement? Ils vivent plus longtemps, en tout cas. Parce ils peuvent souffrir plus longtemps. Ils peuvent rire plus longtemps. Ça n'enlève pas les problèmes réels. Ils ont quand même les problèmes qu'ils ont à avoir. Sauf qu'ils ne voient plus comme étant un problème. Quels sont les problèmes réels? Ben, si tu écrases le doigt dans la porte, comment tu rirais? Tu vas t'écraser le doigt dans la porte, pareil. Ben, tu cries le tanguin dans la porte, tu l'autres après, mais si t'en fais pas un drame après, c'est fini là. C'est facile, ça dépend comment ton ego est structuré. C'est que tu vis le problème. Chaque fois que je me fais mal, je trouve ça drôle. C'est vraiment drôle. Ah oui. Toutes mes conneries, je m'amuse. C'est pas parce que je suis exceptionnel, c'est que je suis un imbécile programmé pour rire. Bon. Alors, c'est ce que les gens disent. Bon, je me fais voler mon automobile, puis je trouve ça drôle. Fait que je suis un imbécile. Ton agent d'assurance a trouvé ça aussi. Ben, ça le regarde, lui. Il a qu'à s'amuser, lui aussi. À quoi ça sert de rire? À rien. À quoi ça sert de chialer? À rien. Entre l'un et l'autre, je préfère rire. Simple. C'est pour le mentaliseur, là, la mentaliseuse. Sauf que, quand on rit, on cumule de l'énergie. Quand on chiale, on perd de l'énergie. J'ai déjà expliqué que l'évolution, c'est comme ce verre ici. On se dit tout le temps, « Oui, mais ça change rien à ma vie, c'est, j'évolue pas. » À un moment donné, vous venez d'une conférence, vous vivez quelque chose dans votre vie, ça rajoute de l'énergie. Et là, vous dites, « Oui, mais ça n'a rien changé à ma vie. » L'évolution, c'est quand ça va déborder. Alors là, ça va paraître. Alors, à un moment donné, vous allez suivre une thérapie, ça remplit un peu, puis après ça, vous dites, « Finalement, ça n'a encore rien changé. » Ça fait 20 ans de ta vie que tu vis, ça n'a toujours rien changé. Bon, puis à un moment donné, ça change quelque chose quand t'es tout prêt, tout prêt. Il y en a qui sécrètent à ma place. On sécrète en groupe. C'est le secret de la réussite. Et puis à un moment donné, et ça déborde. Et puis là, subitement, bon, vous venez de découvrir que votre vision du monde ainsi que votre vision de vous-même n'est plus la même. C'est de la conscientisation. Parce que l'ego n'est pas au courant, il ne se reconnaît plus. Mais c'est sûr qu'il ne se reconnaît plus. Vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus la même. C'est mieux. Mais tout le temps, la personne, ouais, mais là, il me semble, ça fait du temps, tu sais, puis j'ai pas. Quelqu'un dirait, méditer, ça va vous changer. C'est vrai. Méditer ou médicafé, mais quelque chose. Ça va changer. Sauf qu'après combien de temps ça va changer? Tu médites, tu prends de l'énergie, tu chiales le reste de la journée, tu perds de l'énergie. Tu médites, tu prends de l'énergie. C'est vrai que la technique, elle fonctionne pas. Mais elle fonctionne. Tu pries, c'est la même chose, ça dépend comment tu pries, parce que souvent en priant, on donne de l'énergie. On peut aller en chercher. Mais quand on rit, on gagne de l'énergie. Continuellement. Chaque situation peut nous amuser. Est-ce que celui qui t'engueule pendant que toi tu ris, est-ce que tu trouves à prendre son énergie? Si tu ris, oui. Oui. C'est évident, t'es un voleur carabiné. Faut pas que tu lui dises, il va t'engueuler encore plus. Tu continues encore plus. Mais il gueulera pas longtemps. Il n'y a pas un ego qui va accepter de se faire siphonner son énergie comme ça. Quand tu dis ça à quelqu'un qui est en train d'engueuler, continue, là, puis ça va bien, tu m'énergises. Oui. Ou encore, comment on pourrait faire pour rire? Un coup de poing dans le front, c'est beaucoup d'énergie quand tu... Non, comment on peut rire? Essayez de faire ça. Vous ne pourrez peut-être pas immédiatement, mais... Bon, disons que mon patron m'engueule. Comment je peux rire? C'est pas de dire « continue, ça m'énergie ». Non, là, je le pique. Non, c'est pas ça. C'est que je peux faire... Là, qu'est-ce que t'as? Ben, quand on m'engueule, je sais pas que je peux... Bon, ben c'est ça, tu t'amuses. À un moment donné, là, il va arrêter un peu, là. Là, tu peux arrêter, après ça, il reste une farce. Là. Ben, mais là, on peut jaser un peu, tous les deux, là. C'est, bon... Mais jamais on va oser. Pourquoi on n'osera pas? Ça va changer quoi au monde? Rien. Mais il y a du monde qui vont commencer à s'amuser. Ça va le rendre plus drôle. Eh oui! Interdiction absolue d'être heureux. Ça, c'est dans les commandements de je ne sais qui. De l'homme, en tout cas. Qui lui a inculqué, je ne sais pas. Cherche à être heureux, mais ne le deviens pas. Donc la vision du monde, ça peut faire la différence justement entre chercher à obtenir quelque chose puis en prendre quelque chose. S'amuser. On est sur la planète, on vit. À un moment donné, on reverra par quoi on sert. Mais en attendant, faut qu'on ramasse de l'énergie. Faut qu'on cesse de perdre notre énergie. Tu sais, comme je le dis souvent, la personne t'appelle, puis la tête, pas de tête, pas de tête. Puis c'est ta mère ou ton fils ou ta fille ou bien qui c'était. Bon. Mais là, tu dis, hein, quoi, allô, puis t'es branché le téléphone, tu sais, bon, pas de ta faute. Perds plus d'énergie. Oui, mais t'es impoli. T'es impoli. C'est l'autre qui est impoli. La politesse, c'est pas d'être au service des impolis, mais c'est eux qui disent que vous êtes impoli. Hé, si j'envoie Saint-Pierre, tu veux pas tes chiens, c'est moi qui le dis. C'est toujours comme ça. Alors, on doit se faire notre propre cheminement. Ce que nous sommes, soyons-le. Et c'est très facile. Vous avez juste à vous entraîner un tantinet un petit peu à un moment donné. Les individus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent assommer l'adulte pour rire. Ils prennent de la boisson pour rire. Et toi, puis nous, à un moment donné, on doit être capable de s'entraîner à rire sans s'alcooliser ou sans se droguer, ou etc. On a des morphines naturelles, l'endorphine, c'est-à-dire on en sécrète plein quand on rit. Pourquoi tu me regardes quand tu dis endorphine? J'ai ta photo dans ma chambre, tu sais. Quand je dors pas, je te regarde. L'endorphine. Est-ce que dans l'avenir, est-ce que dans le futur, l'homme est plus... va avoir tendance à rire plus, justement, puis à moins se préoccuper des problèmes, parce que c'est pas nécessairement de repousser des problèmes, de prendre la vie en riant. Mais non! On peut être responsable quand même. Ou repousser, il n'y a pas de problème. De toute façon, un jour, ils seront tous en arrière, tes maudits problèmes. On peut réincarner des mémoires de l'avenir. Dans l'avenir, il y a deux paramètres particuliers. Un qui est très intéressant, un qui est extrêmement diabolique. Quand on parle d'apocalypse, on parle de problématique. Quand on parle d'apothéose, on parle de l'autre versant de la montagne. Qui est intéressant, quoi, tout ce qui est de la neige. Bon. Lorsque on réincarne des mémoires de l'avenir, lorsque l'on vit ce genre de mécanique, nécessairement, on se nourrit. On peut se créer des mondes, on peut se créer des visions du monde, on peut même réincarner des personnages. On peut réincarner des personnages de films. Ah, réincarnes-tu, toi, des personnages de films? J'ai quelqu'un que je connais qui réincarne M. Spock, ouais, ah, tu connais aussi, oui. Oui, il y a des belles oreilles. Mais oui, on réincarne des personnages de films. Qui tu pourrais réincarner dans les personnages de films? Je le dis pas. Comment? L'être humain fouille dans l'astral. Fouillant dans l'astral, il finit par écrire des scénarios, écrire des livres, écrire des films, écrire des musiques. Mais les personnages qu'il a créés, l'être humain ne crée rien. Les personnages qu'il a créés sont des personnages qui existent ou qui avéraient avoir aggloméré des qualités de mémoire. Il invente un personnage qui maintenant existe. On le met dans un film, on le met dans un roman. Ça devient notre idole. On devient le personnage. On le réincarne. C'est-à-dire qu'on réincarne les mécaniques astrales, les mémoires, qui ont servi au scénariste à créer le personnage ou à l'auteur à créer le personnage. Les meilleurs policiers, c'est ceux qui, à un moment donné, vont se gaver d'Agatha Christie ou qui vont se gaver de Sherlock Holmes. Ils vont adopter des mécaniques similaires. Mais Sherlock Holmes, c'est la réunion d'un paquet de mémoires. Est-ce que la vision du monde de ces écrivains-là, de ces auteurs-là, fait en sorte que ça dirige ou ça tire l'évolution de l'homme dans cette direction-là? On l'utopise. Quand on fait des films diaboliques, on défait la société. Les gens s'identifient et réincarnent. Quand on fait des films intéressants, bon, on a vu à un moment donné Batman. Batman, les jeunes ont adoré Batman. La majorité adore le Joker. Les Teflons adorent le Joker. Le Joker est un Teflon. Il fait tout. Il est brillant. Il travaille uniquement pour lui. C'est asocial. Il meurt. Il y a une poupée qui se met à rire. Il rit quand même quand il meurt. Alors que Batman est émotif, pogné par la nostalgie, regrette ses parents, veut se venger. C'est un film noir. On regarde les Turtles, les ninjas, machin. Eux autres, par contre, ils sont capables d'être amis. Ils sont capables de lutter contre le mal. C'est quoi le mal? Les jeux vidéo, le bruit, les jeunes. En tout cas, on a la version. Mais ils viennent du sous-sol. Est-ce des intraterrestres qu'on prépare à faire accepter par l'humain? Une chose certaine, c'est qu'il y a toujours, dans toutes les mécaniques scénaristes ou de livres, ou etc., des trucs qui sont bonnes pour que l'humain puisse créer une vision du monde et qui, en même temps, servent de trame pour instruire l'humain quelque chose. Mais on doit être alerte en face de certaines choses et aller récupérer des choses qui nous plaisent. Parce que ce qu'on a vu souvent comme film de science-fiction il y a 20 ans, aujourd'hui, on a dépassé ça en termes technologiques, puis de loin. Tu te rappelles-tu des fusées XL5? Ah oui, je me rappelle. Avec des marionnettes avec les cornes, là. Ouais. Bon, on a dépassé ça un peu. C'est ça. Mais dans ce temps-là, il fumait même en conduisant son vaisseau. Oui, ça, c'était dans Supercar, ouais, effectivement. Ouais. La fumée sortait pendant qu'il se promenait dans l'espace. Ouais. Mais ce qu'on a vu dans ce temps-là comme étant de la science-fiction, c'est devenu beaucoup... c'est devenu loin en arrière de la réalité. Oui, parce que les personnes ont accepté de réincarner des choses de l'avenir. Ils ont accepté d'avoir des visions du monde qui autorisaient d'aller sur la Lune, qui autorisaient de prendre des images de Neptune, qui autorisaient des choses. Et on dit souvent que seulement 10% de vos rêves vont se réaliser. Ben c'est ça que je me suis dit. Moi, plus moi rêver, plus il y en a qui vont se réaliser. Ben, je rêve. Tu passes la journée couchée? Pas besoin de coucher pour rêver, moi. J'ai pas besoin. Non. Tu rêves réveillé? Ben oui. Quand vous allez faire... Je suis dans un paquet de monde en même temps, ce qui fait que où c'est plate, je m'amuse là-bas. Je ne fuis pas les responsabilités. Je ne fuis pas les problèmes que les autres s'inventent. Il n'y a pas de problème. Quand vous allez faire du camping avec ta gang de campeux, là... C'est pas fuir sur la réalité, c'est pas aller vivre dans une forêt alors qu'on vit dans des villes, puis aller réinventer la vie là. C'est ça souvent, le groupe des chefs, on va souvent camper, puis les personnes me demandent toujours « Pourquoi vous allez vous donner de la misère comme ça? » Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de la misère, vous? Quand on va dans le bois puis qu'on campe là, franchement, on est super bien, aucun problème. Est-ce que tu réincarnes des mémoires du futur quand tu vas camper? Non. On réincarne des mémoires de ce qui se passe là simplement. Ça dépend de ce qu'on veut faire là. Ça dépend simplement de ce qu'on veut faire. Il y en a qui disent on est des coureurs des bois. Bon, on réincarne les coureurs des bois. Daniel Boone was a man, yes, a big man. Mais on réincarne pas les coureurs. Est-ce que vous réincarnez la forêt? Vois-tu, le dernier camp qu'on a fait dans la forêt, c'était une vision du monde qu'on développait. On s'est assis, puis on jasait ensemble, puis là, on disait à tout le monde, qu'est-ce que vous aimeriez vivre sur la planète, voir? De temps en temps, on parle des fées, on parle des farfadets, on parle des lutins, on parle des gnomes, on parle de paquets de choses en genre. C'est comment c'est fait une fée? Bon, il y a des filles masculines aussi. C'est un bonhomme très grand comme ça. Puis ça a des ailes, là, c'est à peu près 8-9 pieds de long chaque bord. C'est génial. Bon. C'est pas plus grand que ça? Pas ça dépend, ça c'est un bébé. Bon. Et puis, on sait juste vite, hein. Ça s'obstine pas. Mais... Mini-fée. Ah oui. Là, t'es assis dans le bois, et puis à un moment donné, est-ce que nous, les adultes, serions capables, à un moment donné, d'essayer d'ouvrir quelque chose de neuf dans nos yeux pour voir ces choses-là? Alors, en fait, j'explique un peu la vision vitale. Les gens sont déjà assez ferrés là-dedans. Et puis, à un moment donné, bien, on commence à voir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les gens marchent seuls un peu dans le bois, en démarche flottante sur les roches. Bon, il y a une mécanique à faire en sorte que ces entités naturelles-là détestent l'être humain. Alors, il faut que tu émettes des bruits qui ne sont pas humains. À un moment donné, les individus commencent à voir des choses. Et puis là, c'est de l'imagination, c'est... 99% de tout ce que l'humain a fait a été basé sur l'imagination. C'est ça qui est réel, pas la matière. Et l'imagination. Ben oui, l'imagination. Regarde-toi à face d'un miroir, c'est ça aussi. Bon. Alors, on marche. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'une personne vit... Il y a des enfants qui sont là, fait que je demande aux jeunes, parce que les jeunes, c'est plus facile. En vois-tu? Non, oui. Il y en a même, il y en a un en fourche entre les arbres, là-bas, qui nous regarde. Il est disparu. Fait que j'ai dit, oui, je sais que je l'ai vu disparaître. J'ai dit, pourquoi il est disparu? Comment il disparaît? Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils voient, je le vois aussi. C'est de la télépathie de bord. Ben, ils ont déjà un pas de fait, on commence à croire au moins quelque chose. Mais, finalement, les gens commencent à voir un paquet de phénomènes et ils découvrent des mécaniques. Vision du monde. On ne va pas dans le bois nécessairement pour réincarner des coureurs des bois. Mais pourquoi pas? Il y en a qui est extrêmement heureux, mais on ne va pas à la chasse. On a vu on voit plein d'animaux, là. Bon, le dernier camp, on a surtout vu des excréments. Bon, mais frère, ça se rapproche quand même, là, ouais. Vous vous rapprochez de l'instantanéité. Ouais, on se rapproche, on va les voir faire, tu sais, bon. Mais on se rapproche de la chose. c'est uniquement plaisant. Boire une onde de forme, qu'est-ce que c'est? Ben on marche, on s'écrase n'importe où. Ouais, mais c'est ouvre d'autres yeux, puis ça te découvrir que tabarouette que c'est bien. Pourquoi? Parce que uniquement, présentement, tu te sens bien. Donc, c'est beau. Mais il n'y a rien de beau, là. C'est juste un lac, de l'eau, des roches, un castor qui tape la queue pour avertir ses congénères. Bois l'onde de forme. Mais dans la forêt, on peut faire ça. Mais est-ce que c'est ce qui t'a amené à voyager en Amazonie, puis au Pérou, non, dans des non, pays non, non. Dans ces pays-là, c'était plus technique. C'était... Non, j'allais chercher des choses. Tu cherchais quoi? Différentes choses. J'allais chercher des... qui parlent de l'arche de... Bon. J'allais chercher des trucs. J'étais au Guatemala. J'étais au Salvador. J'étais sur le Mato Grosso. Et, à un moment donné, un gars à moustache m'a dit que j'étais l'Indiana Jones québécois. Non. Pas manqué de ça. Non. Non, il y a des moustaches. Il y a deux moustaches. Il y a deux chaque bord. Il y en a deux, lui. Une par-dessus l'autre. C'est ça, il y a deux chaque bord. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage? Moi, j'allais au Guatemala, premièrement, parce que j'avais des mémoires intimes de société maya. J'étais faire un tour. J'ai rêvé. J'ai vu des choses. Et j'ai réglé des choses. Par la suite, j'étais au Salvador, par accident. Là, je me suis fait courir par les bandits qui avaient là. Bon. Au Pérou, on allait sur le Mato Grosso, en Amazonie, on allait chercher de l'énergie, on allait dans des territoires où les forces de frappe de toutes les religions, et surtout la plus occulte et la plus ésotérique des religions, le christianisme, le catholicisme, leur force de frappe a toujours été le fait qu'ils envoyaient des personnes, des missionnaires. Les jésuites étaient phénoménalement puissants parce qu'ils avaient cette vibration d'aller là où l'homme n'a pas été. Moins il y a d'égrégores théologiques organisés, plus il y a de ce que la théologie rejette, même si elle y croit, l'intelligence, l'Esprit Saint, l'énergie supramentale, l'énergie christique. Là où il n'y a presque pas d'humain, il n'y a presque pas d'égrégore théologique. Donc, quelqu'un qui va là reçoit plus d'énergie, s'il est préparé, s'il n'amène pas avec lui son drapeau pour amener l'égrégore de son pays, son crucifix pour amener l'égrégore de sa religion. S'il va là, simple. En allant là, simple, ou bien s'il va là occultement comme les jésuites le faisaient, les compagnons de Jésus, les compagnons du Christ, donc ceux qui vont chercher de l'énergie christique, de l'énergie supramentale, de l'Esprit Saint, ceux qui allaient là avec des réceptacles particuliers peuvent la recevoir. Quand j'ai été là, c'était très intéressant parce qu'on était en contact avec des individus au Québec, personnes du PMC6. La première semaine, ils devaient, eux, nous envoyer de l'énergie. Alors, on est allé se coucher en plein milieu de la nuit dans la jungle. Et puis, à une certaine heure, pendant qu'eux étaient à la même heure là-bas, en train de faire un exercice particulier, eh bien, effectivement, on s'est senti suffisamment pépé. Imagination. Je suis pépé, m'en fous de savoir ce que c'est. Bon, on était fatigué, là, on était en forme. La semaine d'après, c'est nous qui devons transfuser de l'énergie de l'Amazonie vers le Québec. C'est encore niaiseux, c'est amusant. Mais les enfants, ils s'amusent, les enfants, puis ils sont jeunes, les enfants. Nous, on vieillit. Alors, à un moment donné, on fait des choses, et eux, là-bas, font certaines choses. Et puis, ben, c'est ça. On a eu droit à un orage carabiné avant de partir, absolument génial. Dieu prenait plusieurs photos parce que ça lâchait pas, il faisait clair comme en plein jour. C'est le flash du 35 mm c'est ça, céleste. Oui. C'est ça. Quand on est revenu, eh bien, on parle après ça aux gens qui du PMC6, et puis certains nous disent que la première semaine, après avoir fait les exercices, ils sont partis totalement épuisés. C'était pas prévu qu'on prenait de l'énergie. Nous, on devait envoyer de l'énergie 2 semaines. Mais la première semaine, on était tellement fatigué qu'on a décidé de les têter. Alors, insu. Ben, c'est du bon monde. Mais la fin d'après, on leur remettait quand même. Et ils nous disent qu'on était totalement épuisés. Donc, ça n'a pas dû marcher comme on voulait. Ah, nous, on n'a rien dit. Mais ça fonctionne, l'imagination. Et la fois d'après, on leur demande la semaine d'après, c'était-tu pareil? Oh non, la semaine d'après, on n'a pas pu dormir. On leur en envoyait. C'est pas créer des trucs, non. Il y avait, en tout cas, il y a des techniques intéressantes pour cela. Mais comment, pour moi, j'étais en Amazonie, j'étais au Guatemala, j'étais à bien des places. Je me suis toujours amusé, j'ai eu que des problèmes. Quand je compte mes voyages, les gens trouvent que j'exagère. J'ai rencontré... Dans le sens des problèmes ou dans le sens... Non, dans le sens simplement que ça se peut pas. C'est au comique, mes affaires. Mais les gens ne voyagent pas comme moi, je voyage. Comme les gens ne vivent pas comme moi, je voyage. Comme moi, je vis. Parce que je voyage. J'ai déjà failli me faire tuer par la guerriera. J'ai déjà failli me faire tuer par un animal que les zoologistes ne reconnaissaient pas en pleine jungle. On a déjà failli se faire attaquer par des blocs de ciment dans l'océan. On a déjà eu des ouragans sur la Terre, des tremblements de terre. On a déjà eu... plein de choses. Chaque fois, c'est comique. Imaginez, vous êtes au Guatemala, et puis vous êtes sur le bord des pyramides de Tikal en pleine jungle avec un jeep, puis là-bas, c'est l'armée est toujours là parce qu'il y a des possibilités qu'ils envahissent le Belize, parce que les Anglais le revendiquent, les Mexicains aussi, puis le Belize va être indépendant. On stationne, il y a un soldat qui vient nous voir, qui nous dit « ailleurs, ailleurs, ici, c'est pour les autobus militaires ». Là, un peu nerveux, l'ego, tu sais comment c'est qu'un ego? Fait que j'avais jamais conduit un manuel, puis j'avais réussi à en louer un, convaincant le gars, j'étais capable, mais j'étais parti les quatre roues, bon, ça roulait. Alors, je me sens en première, je pars le jeep, je viens pour avancer, je l'étouffe. Bon, pas capable. On repart encore, puis après 5, 6, 7 fois, le gars commence à s'impatienter royalement. Puis là-bas, c'est très rapido. Son ego impressionnel, dit. Ouais, je t'avais donné une place militaire pour l'affaire là, puis on était tout seul dans la jungle. Là, ça, bon, repart, pas capable, pas capable. J'avais un ami qui était zoologiste, bon, il s'essaye, il avait déjà conduit ça un peu, il essaye, pas capable, il essaye, pas capable. Je rembarque encore, je coûte bien, il faut qu'on s'en aille. Le gars, il commençait à. Il y a trois ou quatre soldats qui viennent autour de lui, il réessaye, pas capable, et qu'on transpire. À un moment donné, je dis minute, là, je réessaye encore, j'ôte le frein à bras, puis je pars en 4G. Mais j'ai ri, c'était phénoménal comment il fallait être idiot pour... Mais n'importe qui aurait paniqué, mais c'était comique! Hé, hey, j'aurais pu me faire tuer à cause d'un vrai cabra! Mais c'est comique! Et là, tu comptes les bébelles. C'est l'ego qui nous empêche justement d'être capable de réaliser que le frein... Il faut rire après, c'est amusant, c'est comique! Est-ce que c'est facile de se débarrasser de son ego? Est-ce qu'un humain peut conserver son ego? Est-ce qu'on peut évoluer en conservant son ego? Évoluer en conservant son ego. Demande à l'astral, écoutez l'astral parler. Pas là. Non, c'est une mission impossible. On ne peut pas évoluer en conservant son ego. Non! Donc on s'en débarrasse pour évoluer ou on évolue et ça nous en débarrasse? On doit s'anégoïser. Vous savez ce que c'est, s'anégoïser? S'anégoïser, c'est la capacité qu'a l'humain de rejeter son ego tout en restant ce qu'il est lui. Mais l'humain, souvent, quand il rejette son ego, a l'impression que lui, il meurt. La mémoire de ce qu'il est meurt, pas ce qu'il est lui. On ne peut pas évoluer avec un ego. Dans l'ancien temps, on disait « soyez humble ». Mais on est modeste puis on s'en vante. Donc, on n'est pas humble. Être humble, qu'est-ce que c'est? Être anégoïque. C'est moins problématique. Pourquoi? Parce que être humble, c'est une vision émotive. Être anégoïque, c'est une vision mentale. Et on ne mentalise pas, c'est une vision logique, c'est une vision mentale. Je ne peux pas me leurrer d'être anégoïque. Anégoïque veut dire sans ego. On peut dire, spirituellement, c'est une âme pure, une âme qui n'a pas d'ego. Une âme qui ne peut pas colorer l'intelligence ou le contact avec votre intelligence, un ego ne colore ça. Donc une âme pure ne colore pas le contact. La personne est transparente. On ne peut pas évoluer avec un ego, mais on peut rire en maudit avec un ego. On peut souffrir aussi beaucoup quand on réalise qu'on a un ego. Non, on ne peut pas souffrir avec un ego. Cachu. On peut souffrir quand on réalise qu'on a un ego, qu'on ne savait pas avant. Quand l'ego réalise qu'il y a un mental. Quand l'ego réalise qu'il y a de l'intelligence, c'est ça que tu veux dire quand tu dis quand on réalise qu'on a un ego. Ben, c'est l'ego qui réalise effectivement qu'il n'est pas... L'ego réalise qu'il y a de l'intelligence, puis l'ego se dit crime, je suis l'intelligence. Ah merde, j'ai un ego. Ça reste de l'ego. Jamais vous n'avez réalisé que, égoïquement que vous aviez un ego. L'ego réalise que subitement, que toute l'affaire n'est pas de l'ego. Vous n'êtes pas que de la mémoire. Mais on ne souffre que de la mémoire. Mais je veux pas que tu t'en ailles. On est bien ensemble. Si tu ne connaîtrais pas la personne, t'en foutrais qu'elle s'en aille. On ne souffre que de l'ego. Continuellement, on ne souffre que parce qu'on se fie à la mémoire. Je commençais à souffrir, moi, quand j'ai commencé à réaliser que j'avais un ego. Mais comme tu le dis, c'est l'ego qui a réalisé qu'il y avait du mental. Mais là, tout de suite après, l'ego a réalisé qu'il avait été observé. En tout cas, ça fait, on peut faire un phénomène sans fin. Mais c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'on est manipulé. Mais à partir du moment où tu t'en rends compte que tu es manipulé, aller jusqu'au jour où tu t'anégoïses, comme tu dis, il y a du chemin entre les deux. Non, ça dépend de la vitesse avec laquelle on se déplace. Oui, c'est toi des visions. Il y a du chemin entre les deux. Ben oui, ben pleurons. Ça dépend de quelle vitesse tu vas. Imagine-toi quelqu'un qui va à Québec, qui se dit « Crime, c'est loin Québec ». Tu roules à 50 km à l'heure sur l'auto, ça n'a pas d'allure Québec, c'est loin Québec. Puis moi je me dis, tabarnouche, Québec, il faut que je roule tout à l'heure, j'écrase, je roule à 160. Mais oui, c'est Québec à même distance. Puis entre les deux, je m'amuse. Bon, j'ai déjà fait de l'autostop suffisamment, j'ai déjà marché suffisamment même, parce que l'autostop, ça fonctionne pas tout le temps. Et puis, j'ai montré ma jambe, j'ai toujours... Ça marche-tu? Mais une fois, il y a un gars qui a arrêté bien, bien vite. Oui, je me suis poussé bien, bien vite aussi. J'ai pas autant marqué. Pas marqué? Oh non, c'est... Puis je m'amusais. On s'amuse. La personne, elle, imaginez comment on se transpose souvent. Hein? On rit des autres, on rit pas de soi. On est philosophe pour parler que, voyons donc, on devrait pas t'en faire tant que ça. Et quand ça nous arrive, à tabarnouche, là, t'appelles ton gars, tu sais ce que je t'ai dit, là? Peux-tu venir me leur dire? On aurait besoin, là. Ouais. Faudrait s'enregistrer quand on parle, puis s'écouter de temps en temps. Non, on pourrait pas. Pourquoi? Ça fonctionnerait pas. Vous faites pas assez confiance, hein? Alors, tu t'écouterais, puis tu dis, oui, alors, je devais être bas quand j'ai dit ça à l'autre. Ça l'a sauvé, l'autre. T'étais pas bas, t'étais haut. Se faire confiance, ça veut pas dire faire confiance à tout ce que l'on sait. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement faire confiance à notre capacité d'adaptation. On est capable. On passe. Si on n'est pas capable, la vie continue à tourner. Bon, puis après ça, on continue quand même. Ça n'a rien à voir. Pourquoi continuellement s'arrêter, se limiter, tout le temps? Si on a toujours une vision du monde qui est soutenu, c'est-à-dire qu'on a toujours, moi j'appelle ça un but, un rêve, ou en tout cas quelque chose, une vision du monde différente. Et puis qu'on fonctionne sur cette vision-là, qu'on s'enligne vers la vision, qu'on veut la rendre réelle. Le jour où on l'atteint, est-ce que là c'est la fin de la facilité? Non. Parce que le jour où on arrête de s'en faire une nouvelle, vision. Ça dépend simplement de la capacité qu'a ton ego de supporter l'intelligence. Il vient un moment donné où on n'a plus besoin de rêver, mais ça rêve tout seul. Ça rêve dans la direction où on veut aller. Fait qu'on s'en fout que ça rêve. Il y a des personnes qui mentalisent, qui se disent, bon, je suis encore en train d'astraliser, là. Je suis encore en train de spiritualiser, là. Qu'est-ce que ça a à faire? Ça va dans la direction où tu veux aller. Tu vis le rêve au lieu de le rêver. Exactement comme si tu dirais, moi, je vais m'en aller à telle place. Puis là, tu te dis, ouais, mais j'ai peur là-bas, puis c'est ici, puis c'est ça. Carotise ton chemin. T'aimes-tu ça, les cornets? Il y a un Dairy Queen sur le chemin. Tu te dis, va me rendre jusque-là. Puis rendu là, ben là, tu sais, bon. Puis là, les mentaliseurs, ils vont se dire, ben oui, mais c'est encore de l'astral. Oui, c'est encore de l'astral. Servez-vous de la forme. Quand on n'en a plus besoin de la forme, parce qu'on transmute et on transcende la forme, on s'en sert plus. C'est comme de dire à quelqu'un, c'est bon, t'es vraiment là, t'es un champion. Tu l'as fait, c'est beau. L'astral, il me dit là, oui. Allons chier, toi. Fait que c'est. À un moment donné, on a besoin de communiquer de l'énergie. Ce que je t'ai dit, je sais qu'on s'en fout, c'est de l'astral. Ça n'a rien à voir. On est complice. Comment on peut établir la complicité? Je ne le sais pas. On n'a pas besoin. Oui, on en a besoin parce qu'on est relié à des faisceaux similaires. On a besoin d'être, de créer des synergisations. Une synergisation, c'est ce qui va faire en sorte que l'humain va individuellement avancer en collectivité. On en a besoin. Ça facilite les choses. Il manque un peu d'énergie. Mais si on se met à jaser, tous les deux, on va en amener de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est une question de masse. Je ne suis pas assez gravitationnel pour attirer de l'intelligence. Tu ne l'es pas assez. Tous les deux, on en attire. En attirant, on la partage. On devient suffisamment gravitationnel. À un moment donné, on est totalement dissocié l'un de l'autre, mais on est dans une synergie. Et on... Vous avez un problème? Vous ne connaissez pas la solution? Jasez avec un autre qui ne la connaît pas non plus. Au bout d'une demi-heure, par la parole, vous l'avez trouvé. Synergisation. Mais on va se plaire aussi. On va réincarner de l'avenir, on va réincarner du passé, on va se transformer par synergisation. La synergisation, je me souviens que ça fonctionne même au téléphone, parce qu'on s'est déjà parlé, j'étais sur une île, et puis au moment où j'ai réalisé là, que l'ego était très différent du mental, et puis on peut se synergiser en étant très très loin, on n'a pas besoin d'être un à côté de l'autre, ça se fait par la parole. Ça dépend des îles. Non, une île chaude, disons. Sur une île où il y avait de l'énergie suffisamment. Mais l'énergie se communiquait par la parole et par la pensée. Elle ne se communique pas nécessairement physiquement. C'est ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'être un à côté de l'autre. Tu as des ballerines, je suppose, qui dansaient? Non, je n'avais pas de ballerines. On peut être en synergisation, pas par téléphone. On synergise quand même en discutant. Même oui, à distance. Mais c'était par télépathie. dit que c'est par la pensée, c'est pas par la parole. Exact. On n'a plus le temps de jaser. On aura une période de questions. Qu'est-ce que la personne nous dit? Elle dit de repartir à zéro. Deux visions. Tout détruire, commencer, aller saigner le désert, de repartir. Rajeunir, puis recommencer sa vie, même si on a un corps comme on l'a là. Même si on a un emploi, on a une avance sur l'enfant. On rajeunit un peu, on repart. Puis la vision du monde, elle est réelle parce qu'elle fait partie de l'illusion comme ce que vous appelez la réalité. Rire, s'amuser, ça fait partie de la réalité de l'illusion. Alors on lit pendant 15 minutes et on revient ensuite à la période de questions. Questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet. Il va les poser. Il va y répondre. Quand la menace gronde, quand le moindre...